très très bonne fin d'après-midi. Dans un instant, il sera 17h. Margot Delpierre pour les infos. Bonjour Margot. Bonjour. Le livre ne sort que demain, mais déjà certaines déclarations du président de la République posent question. François Hollande s'est entretenu avec deux journalistes du Monde. Il dit par exemple regretter d'avoir proposé d'inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les terroristes. On y apprend que le chef de l'État votera pour Nicolas Sarkozy si le deuxième tour de l'élection présidentielle se joue entre l'ancien président et Marine Le Pen. Dans ce livre, François Hollande assure également que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne verra pas le jour, mais il s'est confié avant le référendum local en faveur de la construction de l'aéroport. Écoutez la réaction du porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Les journalistes font leur travail et la liberté de la presse est une liberté essentielle. Le président de la République a des contacts, comme d'autres d'ailleurs, avec des journalistes qui posent des questions et auxquelles on doit répondre. C'est un exercice de transparence au travers de ce livre que vous évoquez, qui est engagé, avec des questions et des réponses. Lorsque les livres sortent, ça peut être quelquefois un peu hors contexte, mais ça peut effectivement susciter des débats, irriter, mais ça permet, dans une démocratie, à chacun de pouvoir avoir la lecture des événements qui se déroulent et des sujets qui peuvent être, à un moment ou à un autre, posés. Donc voilà, le seul commentaire que je ferai, c'est que ça permet à chacun de pouvoir accéder, en fonction des questions qui sont posées et des réponses qui sont apportées, en toute transparence, aux sujets qui peuvent se poser d'ailleurs chez tous nos concitoyens. Le porte-parole du gouvernement, Stéphane Le Foll. Et dans ce livre, intitulé « Un président ne devrait pas dire ça », le chef de l'État qualifie la magistrature d'institution de lâcheté, un discours qui passe mal auprès de l'USM. L'Union syndicale des magistrats se dit atterrée et consternée par ce commentaire. Le président est le garant constitutionnel de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Les 72 petits commerces installés sur la jungle de Calais pourront être expulsés. Le Conseil d'État donne aujourd'hui son feu vert. Le camp de migrants doit être entièrement démantelé. D'après un nouveau comptage des autorités, il y aurait moins de 5700 migrants dans la jungle, dont 1300 mineurs isolés, selon France Terre d'Asile. Salah Abdeslam sera interrogé sans ses avocats. Ils ont jeté l'éponge. Franck Berton et le Belge Sven Marie renoncent à le représenter parce que leur client est muré dans le silence. Pour assurer la défense d'un homme, il faut être deux, précise Franck Berton. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Depuis sa cellule d'isolement à Fleury-Mérogis, le suspect clé des attentats du 13 novembre ne répond à aucune question. Il est poursuivi pour assassinat terroriste. Un trafic de faux billets découvert au château de Versailles. 5 saisonniers sont suspectés d'avoir mis en place cette escroquerie. Le préjudice est estimé à 250 000 euros depuis le mois d'août, mais les enquêteurs pensent que le trafic durait depuis plus longtemps. L'un des suspects a été écroué. Les autres sont sous contrôle judiciaire. L'attentat du Bataclan il y a bientôt un an à Paris n'a pas découragé les fans de spectacles. La fréquentation des salles, que ce soit pour des concerts, des festivals ou des humoristes, n'a baissé que de 2% sur un an. Les chiffres restent meilleurs qu'en 2014 d'après une enquête Harris Interactive pour le syndicat des producteurs, diffuseurs et patrons de salles. Plusieurs ministres des Affaires étrangères, dont les chefs de la diplomatie russe et américaine, se retrouveront samedi à Lausanne, en Suisse. Ils étudieront les différentes solutions au conflit syrien. Aujourd'hui encore, les bombardements sur les zones rebelles de la ville d'Alep ont fait 7 morts. Moscou est le principal allié du régime. Les discussions s'annoncent difficiles. Le président russe Vladimir Poutine reproche à la France d'avoir cherché, je cite, à envenimer la situation. Il faisait référence au projet de résolution des Français aux Nations Unies. Il portait sur l'arrêt des bombardements. Moscou avait mis son veto. L'organisation État islamique revendique dans un communiqué l'un des attentats anti-chiites commis hier dans des mosquées de Kaboul en Afghanistan. Ils ont fait 17 morts selon un dernier bilan. Une nouvelle attaque dans une mosquée chiite aujourd'hui a coûté la vie à 14 personnes. La NBA ouvre 3 centres de formation en Chine. La plus importante ligue de basket américaine lance un réseau d'académies à l'étranger. Le but, dénicher former les talents de demain. On ne sait pas encore si la France accueillera l'un de ces centres. Et puis, trois départements sont ce soir en vigilance orange. Météo France annonce des vents violents dans les Bouches-du-Rhône, des risques d'inondation dans l'Aude, risques d'inondation également dans l'Hérault, aussi surveillé pour des orages. Le Gard, pour l'instant, n'est pas en alerte, mais avec les fortes pluies attendues, les prévisions dans ce département ne sont pas très optimistes. Ludovic Labastrou. Deux systèmes très complexes se mettent en place avec d'abord des pluies cévenoles, pluies continues de l'ordre de 250 mm dans le secteur du Vigan et de l'Aigoual. Des pluies somme toute pas très exceptionnelles parce qu'étalées sur plus de 24 heures. Plus préoccupant en revanche, le système méditerranéen qui va se mettre également en place. Des orages de plaine dans l'après-midi de demain avec de l'ordre de 50 à 100 mm d'eau qui peuvent tomber, mais en moins de 3 heures sur le littoral gardois. C'est essentiellement proche de l'Hérault, le secteur de Sommières et le Vidour, le son fleuve côtier qui inquiète, avec une mer démontée et des rafales de vent de 80 à 100 km/h qui empêcheront l'évacuation des eaux venues des Cévennes. Ce système méditerranéen, avec des lames d'eau très intenses, concernera ensuite tout le département du Gard, au moins jusqu'à vendredi soir. Une seule consigne, proscrire absolument tout déplacement. Ludovic Labastrou, on fait un détour par la Bourse de Paris. Elle est en baisse ce soir, Antoine Verlin. Eh bien oui, en effet Margot, le CAC 40 actuellement recule de 0,46%, il est à 4451 points. Les investisseurs sont prudents, ils attendent la publication ce soir du compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine. En attendant, l'euro lui recule à 1,1014$. Côté valeur, les financières se portent plutôt bien, comme AXA, moins 1,27%. En revanche, Nokia perd quasiment 5%. Le groupe finlandais est plombé par l'avertissement sur résultat du suédois Ericsson qui lui plonge de 17% à Stockholm. Le CAC 40, lui, moins 0,44% à 4452 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse pour France Inter. Du lundi au vendredi à 11h sur France Inter, c'est la bande originale. Avec Nagui. Demain dans la bande originale, Nicole Garcia et Louis Garrel. Non mais pince-moi, je rêve. Pinch me, I'm dreaming. Il y aura l'humour d'Albert Algou, l'humeur d'Alison Wheeler, comme tous les jours l'esprit de Leila Kadouboudadi et le mauvais esprit Daniel Mann. Heureusement que je suis là comme garant moral de cette émission. La bande originale. Pour assister à l'émission, inscrivez-vous dès maintenant sur maisondelaradio.fr. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 11h. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, toutes les entreprises doivent souscrire à une complémentaire santé. Je l'ai fait. Des questions? Oui, Catherine? À quoi a-t-on droit avec notre mutuelle? Est-ce qu'on peut savoir où on en est dans nos remboursements, par exemple? Ah, bonne question, Catherine. D'ailleurs, faut arrêter avec les bonnes questions. Hein. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Catherine aurait pu profiter d'une application de gestion personnalisée pour ses dépenses de santé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedieric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur visal.fr. Visal, tu dis. Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à conditions à consulter sur le site visal.fr. France Inter, 17h08, si tu écoutes, j'annule tout, c'est maintenant avec vous, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, bonsoir. Oh, bonsoir. Bonsoir, merci Margot Delpierre. Et vous allez faire quoi là maintenant tout de suite par exemple? Mais je vais vous écouter bien sûr. Ah, et vous avez annulé quoi pour ça? Eh bien, pas grand-chose, mais c'était prévu. Ah, c'était prévu. Oui, je me réserve une planche horaire de 17 à 18. C'est oh, bon. Une planche horaire, oui, très bien. Bah, bon. Y a du pain dessus, avec plein d'infos, jusqu'à 18h. Merci Margot. Écoutez comment nous avons préparé avec le plus grand sérieux cette émission. Salut les amis. Salut Charline. Oh, je suis contente parce qu'on reçoit Bernard Campan. Ah, génial. Les inconnus. Ah non, non, on lui en parle pas. Ah bon, non, pourquoi, non, pourquoi? Écoutez, il a changé de carrière. Oui, toi. Bon, bah, t'aimerais toi qu'on te dise dans 20 ans, ah, Guillaume Meurice annule tout, Alex et Charline. Non, ouais. Mais bah, enfin, nous dans l'équipe, on n'a pas de noir. Non, et on n'a pas de gros dans l'équipe. Ni de chauve. Mais enfin, c'est pas le problème. Ah, d'ailleurs, c'est lui qui veut pas remonter sur scène avec les deux autres. Moi aussi, ouais. Si je pouvais jouer au théâtre avec Thierry Lhermitte, je vous parlerais même plus aux deux. Oh, c'est ah, merci. Vous allez vous séparer? Non, non, non, on a besoin de travail. Oui, mais on se séparera peut-être quand on aura autant de succès que les inconnus. Voilà. Oh, c'est... bah alors ça va. On a de la marge avant d'être au chômage. Et... ouais, ça va. Mais pourquoi il veut plus jouer que les deux autres, Campan? Il dit que quand ils étaient jeunes, ils vivaient presque ensemble. Ah bah comme nous. Et ils s'appelaient à 3h du matin quand ils avaient une idée de sketch. Comme tu vois, nous. Ils avaient des aventures avec les filles, tu vois. Moins. Ouais, bon alors, et aujourd'hui, s'ils devaient bosser ensemble, il y en aurait toujours un pour dire attends, aujourd'hui j'ai pas le temps, je vois mon avocat. Et tu crois que plus tard j'aurai un avocat? Eh ben ouais, il aura même pas mal de taf, le gars. Ah bah, c'est pareil pour vous. Hein. Bah, bah, toi, dans 10 ans, Alex, t'auras ouvert un club de pole dance à Barbès. Ah ouais. Et Guillaume fera des spectacles itinérants dans les ZAD. Ah, oui, peut-être. Et moi, hein, ce serait peut-être une grande journaliste qui changera le monde. Non, non. Hein, non. Je pense que tu animeras la tranche minuit 1h sur la RTBF. Mini Grégoire belge. Dites donc, les deux pétasses, là. Nous hein, vous serez peut-être au chômage avant qu'on se sépare, vous. Hein. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui prend le bateau de l'actualité et voici les trois informations qui vont passer par-dessus bord jusqu'à 18h. Mais que fait la police? Bah, elle se fait agresser, lapider, incendier, alors qu'on était si prompt à l'embrasser il y a un peu plus d'un an. J'ai une pommade dans la poche de ma veste qui va faire disparaître cette bosse que t'as au front là. J'ai pas de boss. Maintenant, t'en as eu. Le paquet neutre est en vente chez les buralistes. On ne faisait qu'en parler. Maintenant, on peut l'acheter, même si le but est de plus jamais en acheter, en fait. Mais alors, la couleur. Qui s'est occupé du choix de la couleur? Regarder une comédie nous fait du bien parce que ça libère des endorphines. Mais alors pourquoi s'inflige-t-on des films dramatiques et pourquoi veut-on y entraîner les autres avec soi? En fait, j'ai peur de toi. Le sens du drame a normalement développé. Et moi, je suis accompagnée de celui qui parvient à nous faire rire en nous racontant Mort à Venise. C'est vrai. Incroyable, c'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Van Wacker. Comment allez-vous? Bien. Mais je le vois. Et j'ai une belle équipe pour ça. 17h20. Certaines personnes réfléchissent, pèsent les choses, débattent pour trouver des solutions. Et puis certaines personnes savent ce qu'il faut faire. Eh bien, il fait partie de cette deuxième catégorie. Bonjour Pablo Mira. Salut Alex, salut Charline, tout ça là. Alors aujourd'hui, voilà, je vous propose un portrait, Alex. Très bien. Le portrait d'un groupe d'hommes au courage exceptionnel, des hommes prêts à tout pour offrir à leurs enfants un avenir meilleur. Et attendez, mince, pardon, ça c'est mon lancement de la semaine prochaine sur les patrons du CAC 40. Non, aujourd'hui on va parler de ces satanés migrants. Très bien, 17h30, parfois il ne sait pas ce qu'il faut faire, alors il part interroger des gens qui savent. Et après, quand il est passé, les gens ne savent plus ce qu'il fallait faire. C'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Moi aujourd'hui j'ai appelé un centre d'information sur l'IVG. J'ai parlé du droit des femmes à disposer de leur corps. Toujours le même discours. Ah, une adepte de Finkielkraut. Très bien. Et 17h40, elle, quand elle ne sait pas, elle se pose immédiatement la question existentielle. L'alcool m'apportera-t-il une réponse? Mais comme l'eau pétillante non plus, autant oublier qu'on ne sait pas. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un gros livre. Un gros bon livre écrit par une femme. Très noire. Bien. Oh là là. Hey. Allez, je me tourne vers celui qui a tout annulé pour nous et qui le regrette déjà. Après Les Trois Frères, Le Paris, Les Rois Mages, vous êtes celui des inconnus qui a tourné avec Zabou Breitman plusieurs films, dont Se souvenir des belles choses. Vous êtes aussi l'un des piliers de la trilogie Le cœur des hommes et en ce moment, on peut vous voir au théâtre. Donc vous êtes, je vous laisse nous le dire, on a deviné, mais enfin vous êtes... Bernard Bourdon. Oui. Sur France Inter, Charline Van Hoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Bernard Bourdon. Vous jouez avec Pascal Lhermitte. Voilà. Au théâtre. Tous les soirs, ouais, ouais. Vous avez repris Le Syndrome de l'Écossais. Oui. Ça fait un moment que vous jouez d'ailleurs cette pièce de théâtre déjà. C'est un succès, on peut dire, voilà. Parisien. Bah, c'est parce que c'est un succès qu'il y ait une reprise. Voilà, quoi. Voilà. Voilà. Isabelle Le Nouvel avec Thierry Lhermitte, ouais. Christiane Mie et Florence Darel. Ouais. C'est au théâtre des Nouveautés du mardi au samedi à 20h30. Et puis il y a des matinées le samedi 16h30, le dimanche à 16h. Vous n'arrêtez pas. Oh. Ouais. Alex Vizorek est allé vous voir. Mais oui, mais j'avais été l'an dernier parce qu'on avait reçu Thierry Lhermitte comme invité, Bernard Campan. Donc je me dis, rappelez-moi un peu ce que j'ai vu l'an dernier. Moi, je comptais sur vous pour me le rappeler. Parce que... Et vous jouez 6 ou 7 fois par semaine, vous avez le pitch. Fort. Oui, mais le pitch, non. Non, je ne suis pas très fort pour les pitchs. Deux couples. Comme pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Mais oui, deux couples. Donc c'est un couple qui invite un autre couple, à savoir donc le beau-frère et la sœur. et qui vont se fader toute la soirée parce que le beau-frère est insupportablement chiant et prétentieux et que la sœur est un peu allumée. Mais enfin, le couple du départ, c'est-à-dire Thierry Lhermitte et Christiane Millet, sont quand même pas mieux non plus. Il y a un chef d'entreprise, c'est ça ? Moi, je suis chef d'entreprise, voilà, très prétentieux, très pour sa pomme. Et Thierry, lui, c'est un auteur à succès et qui a un faible pour l'alcool, ce qui agace beaucoup sa femme. Et il s'est donc engagé à ne pas boire. Et c'est sur cet engagement que se construit un petit peu la pièce, parce qu'ils vont quand même boire en cachette. Et ça va tout décaler, tout un système d'horlogerie, une comédie, voilà. Et je peux pas trop en dire. Mais enfin, c'est vrai que l'écossais, c'est plutôt en rapport avec du whisky. Mais surtout voilà. L'incompréhension dans les valeurs. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui n'ont pas la même vision de la vie. Et plus on boit, plus on se le raconte. Ça les rapproche beaucoup. Il faut croire que c'est vrai. Au début, ils n'ont pas grand-chose à se dire. C'est même un peu tendu. Puis quand on sort le whisky, déjà, ça va beaucoup mieux. Mais après, ça se complique. Voilà. Alors, j'en avais parlé à Thierry Lhermitte la dernière fois. C'est un peu la dream team pour les bandes de comiques, puisqu'on a un inconnu plus un du splendide. Et ça marche. Comment est-ce qu'on crée cette alchimie entre vous deux, ces deux générations, quelque part, de gens qui ont marqué par leur humour ? Comment on crée cette alchimie ? Non, je... Avec Thierry Lhermitte, lui nous a dit que ça a fonctionné tout de suite. Oui, voilà. Moi, quand on m'a proposé le projet, j'ai accroché sur la pièce. Je savais que Thierry faisait le rôle et ça jouait aussi pour beaucoup dans ma décision. Je savais que... Enfin, surtout, faire de la comédie sans les copains, sans Didier et Pascal, j'avais un peu peur. Donc, savoir que j'étais avec Thierry, que je ne connaissais pas, mais je me disais, voilà, je sais d'où il vient, j'ai quand même il a une bonne réputation. Je sentais qu'on allait faire quand même un travail d'équipe. Voilà. Et puis tout s'est super bien passé, évidemment. Parce que juste à l'époque où vous faisiez de l'humour, l'équipe du Splendide, c'était des gens qui vous avaient inspiré. Ben oui, forcément, je dirais pas, peut-être pas directement, mais comme on est un peu plus jeune, oui, on connaissait le Splendide, on connaissait les bronzés fonds du ski, le Père Noël, tout ça. Oui. Et est-ce que ça se sent que vous venez de deux cultures de travail qui paraissent semblables, c'est-à-dire une partie auteur et aussi une partie qui a l'habitude de la bande et d'une bande assez restreinte ? Est-ce qu'il y a on sent qu'il y a un passé commun, un vécu qui fait que le feeling est plus facile ? Je pense que ce qui est... Bon, c'est déjà les tempéraments. Je veux dire, on a quand même des tempéraments plutôt assez cool l'un comme l'autre. Et puis, c'est ce travail d'équipe pendant des années qui a forgé une mentalité, je pense. Ou alors, on avait déjà cette mentalité pour faire du travail en équipe. Mais le travail d'équipe, c'est justement ne pas tirer la couverture à soi, c'est être content quand on file une bonne idée à l'autre. Et ça... Notez ça, Guillaume. Ah oui, notez ça, Alex. c'est dans le film, comment il s'appelle avec... Oh là, non, j'ai pas. Donnez-nous un indice, on aime jouer, on est joueurs. Non. Si, allez, arrêtez pas ça. Oui, mais c'est avec... Alors, comment il s'appelle ? Puis je vais jamais y arriver. Non, mais c'est terrible. Je pense que c'est Transformers, mais je vais pas y arriver. Au moment que vous vous rappelez de votre Cantona, texte. Cantona, le film de Ken Loach. Ken Loach, oui. Et quand son fan lui demande, mais quel est le Looking le but, for Eric. Le but dont vous êtes le plus fier, il dit, c'est pas un but, c'est une passe. Et oui, voilà. Évidemment. Donc, c'est, je veux dire, dans un travail d'équipe, ça fait autant plaisir de voir que l'autre réussit à faire rire, parce qu'on a bien amené, on a fait une bonne passe, que de faire rire soi-même. Quoi. Et l'esprit de troupe, il est là, puisque c'est une reprise de Le syndrome de l'Écossais d'Isabelle Le Nouvel, donc avec Thierry Lhermitte, avec Christiane Millet, avec Florence Darel et bien sûr Bernard Campan, qui est notre invité. C'est au Théâtre des Nouveautés, vers 20h30, comme ça. Oh, de la musique de gauche. Oh oui, donc vous êtes sur France Inter. Ah oui, alors là, oui. Et on est avec Bernard Campan, on est trop contents. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby. I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. King of the bongo, king of the bongo bong. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo. Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hear me when I come. Bongo bongo, Manu Chao sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Bernard Campan, qu'on peut aller voir au théâtre dans le syndrome de l'Écossais. Et on pourra vous voir en région parce que vous partez en tournée à partir du mois de janvier. De janvier, par là. Oui, on joue jusqu'à fin décembre à Paris et puis janvier, février, mars en France. Voilà, quand ils seront bien rodés à Belgique, Paris, eh ben, ils donneront la pleine expression de leur art en région. Voilà, non mais ça. Moi, j'ai hâte, enfin, si on peut dire, mais j'ai envie de voir ce que ça donne en tournée, la vie de tournée. Ça faisait longtemps, moi, que je n'avais pas fait ça, ah oui. Donc voilà, c'est bien. Et Alex. Autour de la table, Pablo Mira, coup de gueule dans quelques instants. Colère. Juliette Arnaud, coup de lecture et Guillaume Meurice, coup de projecteur sur la France. Place à cette heure-ci aux actualités radiophoniques. La plus belle arme, c'est la sincérité. Le journal de presque 17h17. Nous allons installer le printemps dans ce pays d'homme. Et on commence par les titres. José Bové a été refoulé à la douane canadienne. Il va être expulsé du Canada en raison de ses antécédents judiciaires. Et c'est curieux parce qu'à l'époque, Alain Juppé avait pu passer cette même frontière. Justice, les avocats de Salah Abdeslam renoncent à le défendre. Oui, c'est l'ironie du sort quand on se souvient que lui avait renoncé à attaquer. Et des brèves, Alex ? Et oui, pas de cessez-le-feu en matière de brèves. Et on commence par cet entretien donné par François Hollande à l'Obs, où il a déclaré « Je suis prêt ». Eh oui, il est prêt de la sortie. Hollande se dit également prêt à voter pour Nicolas Sarkozy au second tour face à Marine Le Pen. Le sort s'acharne sur ce pauvre Nicolas Sarkozy. Soutien inattendu. Attendez, mais François Hollande, il n'arrête pas de donner des entretiens. En oui, parce qu'après le livre de Karine Rissouli et d'Antonin André, il y a un autre livre d'entretien qui sort ces jours-ci, 600 pages avec David Homme. Je ne sais pas quand il dirige la France, ce gars-là. Si à 50 ans, tu n'as pas un entretien avec Hollande, tu as loupé ta vie journalistique. Mais c'est ça, résultat, le Kremlin ironise en disant Vladimir Poutine viendra en France quand François Hollande sera à l'aise pour le recevoir. S'il veut juste que François Hollande se sente à l'aise avec lui, il n'a qu'à venir déguisé en journaliste. Oui, c'est la bonne solution. Passons à l'Assemblée nationale où tous les moyens sont bons pour défendre ses convictions. Ici, un député parle de la montagne. L'ensemble de ces éléments nous laisse espérer. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Merci, monsieur Folio. 6000 applaudissements pour monsieur Folio. C'est pas un bleu, on sent la gêne du directeur de séance. Politique toujours, oui. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a porté plainte après la découverte de 4 tags anti-police à la Sorbonne. Oui, et pour les besoins de l'enquête, des policiers vont donc se rendre à l'université. Gros prochain. Venons-en au député vert européen José Bové, oui. Qui devait participer à une réunion contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il a été retenu plusieurs heures par la police des frontières à son arrivée à Montréal avant d'être expulsé pour des raisons qui n'ont rien à voir. C'est scandaleux et mesure de rétorsion. Moi, je propose qu'on interdise la venue chez nous des chanteuses québécoises pour des raisons qui n'ont rien à voir. Justice. Les avocats de Salah Abdeslam renoncent à défendre leurs clients. Ils ont la conviction qu'il ne parlera pas. Moi, je dis, on l'envoie sur le divan de Karine Le Marchand, avec un petit verre de vin, un peu de James Blunt dans les oreilles, il va causer. International à présent, Barack Obama prévoit d'envoyer des hommes sur Mars dès 2030. Oui, alors, les Martiens, si vous nous écoutez, si vous avez du pétrole, faites gaffe. les Amerlocs arrivent. États-Unis, Al Gore s'est adressé aux abstentionnistes en leur disant « Je suis la preuve que votre voix compte ». Oui, Jean-François Copé, ça l'a inspiré. Il a déclaré « Je suis la preuve que votre voix sera recomptée ». Et donc, retour en France avec ce fait divers, des malfrats dérobent un coffre-fort et se rendent compte une fois chez eux qu'il était vide. Et oui, voilà ce qui arrive quand on veut voler le programme du Parti Socialiste. Culture, avec la sortie en salle aujourd'hui de L'Odyssée, un film sur le commandant Cousteau. Oui, eh ben, allez-y, parce que c'est le moment de profiter du monde sous-marin avant qu'on se tape la France sous-marine. Allez Alex, les brèves oui, et puis on remballe. Les brèves hein, et voilà. Puis on remballe. Reine 2 points, le fauteuil roulant le réchappe, la mamie finit dans l'eau. Oui, c'est pas de bol, sauf qu'elle s'en est sortie. Et donc c'est leur héritage qui risque de tomber à l'eau. Et la dernière? Oui, la dernière, des clowns sèment la psychose aux États-Unis. C'est une vague de clowns qui fait trembler depuis quelques semaines les États-Unis. Plusieurs arrestations ont déjà oui, eu lieu. Oui, attention donc les Américains aux clowns. En plus, l'un d'entre eux essaye de devenir président chez vous. Nous sommes sur France Inter avec Bernard Campan. Voilà, vous êtes update sur l'info, Bernard Campan. Ah, je suis updaté, remis à jour. Oui, ça va très vite. Hein. Vous êtes sur French Inter. Pardon, très vite. Hein. Ah ouais, attention. Je suis pas sûr de comprendre tout. L'histoire de clown, j'ai pas compris. Bah, c'est des faux clowns, des gens déguisés en clowns qui menacent. Ah, d'accord. Ça existe déjà beaucoup en Italie aussi, et dans le nord de la France. Oui. Ouais. Et pourquoi en clown? Parce que ça. Parce que c'est flippant. Hommage à Stephen King, je crois qu'il y avait un film où il y avait un. C'est pour faire peur, ou au contraire, c'était pour rassurer, je pensais plutôt. C'est pour faire peur. C'est pas le sujet, mais on l'aura traité un peu. N'hésitez pas à ajouter des sujets au programme de l'émission. Allez, le premier sujet, c'est la violence anti-flic qui a passé un nouveau cap avec l'attaque de Vitry-Châtillon dans l'Essonne. Alors, que se passe-t-il en France pour qu'une partie de la population ait envie de les embrasser et l'autre de les embraser? Et quelle est la différence entre le bon et le mauvais flic? Je m'appelle Marcel Patulacci, brigadier chef et agent de la paix avant tout. Mais qui sont-ils, ces hommes? Non, ce n'est pas qu'on est des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout. Bon, je vois surtout que le policier aujourd'hui doit être conscient de la tâche, de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe. Qui lui décombe et surtout qui lui incombe. Vous les aurez reconnus. Alors... Et ça, vous avez fait des conneries il y a longtemps, mais ça reste. Hein. C'est malin, ça. Oui, mais enfin, l'image du flic change. Hein. Oui, ah, c'est ouais, un peu votre sujet, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est justement ça. Je me disais peut-être déjà... Bah, à l'époque, on écrivait ça, Renault embrassait pas les flics encore. Et on sent bien que l'époque a changé. Justement, vous évoquez Renault. C'est vrai qu'il y a une tendance qui est presque une tradition dans ce pays de se moquer des flics. Oui. D'en rire, de dire qu'ils tapent à la machine avec deux doigts, qu'ils font plein d'erreurs. C'était l'objet de la caricature du sketch des Inconnus. Vous évoquez Renault, parce qu'on a embrassé des flics le 11 janvier. Et puis maintenant, il y a des flics qui dans certains quartiers sont attaqués au cocktail Molotov. Il y en a un qui est entre la vie et la mort. Et justement, il y a aussi Joe Star qui a réagi. Et c'est vrai que le groupe NTM pouvait chanter avant « Nique la police », où il dénonçait les contrôles aux faciès, les bavures policières, le sentiment d'injustice né de certains abus. Aujourd'hui, s'il y a un groupe rechantait « Nique la police », ce serait plutôt vécu comme une forme d'apologie de la haine envers le flic, non? Donc vous aussi, vous sentez ce changement d'époque? Ben oui, c'est étonnant parce que il y a les deux qui se mélangent à la fois. On a l'impression qu'il y a un respect différent par rapport à la profession de flic, puis en même temps, il reste toujours le boulet qui traîne aux pieds, comme vous dites, les deux doigts pour taper à la machine et tout ça. Quoi. Donc, mais vous les rendiez presque touchants dans ce sketch. Presque genre, peut-être ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils devraient pouvoir faire. En général, quand on se fait arrêter par des flics ou plus à l'époque, en tout cas, et parce qu'on avait, je sais pas, malencontreusement grillé un feu rouge, par exemple, les flics nous disaient, bon, allez-y, et puis dans la prochaine fois, dans les sketchs, faites comprendre même qu'on n'est pas tous comme ça. Donc, souvent, ça nous a beaucoup aidé, mais c'est un peu comme pour les chasseurs, hein, c'est-à-dire, c'est toujours... les chasseurs m'ont dit, bah, vous avez raison, parce qu'il y en a, ils sont vraiment comme ça. Hein, ouais, c'est les chasseurs. Bon, c'est-à-dire qu'il y a tout ça nous renvoie à une forme de sentiment ambivalent, c'est-à-dire que le flic, à la fois, on a envie de s'en moquer, mais il nous protège, il est utile. Et là, on l'a embrassé, et puis lui, il se fait attaquer. Mais c'est surtout le traitement médiatique qui a changé, parce que ce que vous décriviez tout à l'heure, les violences policières, les contrôles aux faciès, ça existe toujours. Maintenant, on met plus le focus sur les violences que subissent les policiers, mais a priori, rien n'a changé, sauf le traitement médiatique. Ultra violente aujourd'hui. Mais ça existait déjà avant, dans les banlieues, ça a toujours été chaud. De faire cramer des flics, flics dans leur... Il y a toujours eu ces violences-là dans les banlieues françaises. Le problème est toujours pas réglé. D'ailleurs, ce que disait Omar Sy dans cet avou que je vous invite à aller voir sur Internet, c'est ça a toujours existé. Si Omar Sy le dit. Non, mais c'est vrai. Alors là, j'ai cité Omar Sy. Un dernier petit mot là-dessus, Bernard Campan. La France, un pays aujourd'hui où les flics sont en danger de mort dans certains quartiers, on se croirait presque au Venezuela. Est-ce que vous reconnaissez votre pays? Est-ce que vous vous dites, putain, c'est la France d'aujourd'hui, c'est un signe de... Ben, ça change, on voit bien que tout change, tout va très vite, la mondialisation, notre pays, tout change. Donc oui, je ne peux que constater, impuissant, que tout change, et évidemment pas forcément dans le bon sens. Et subir un peu aussi. Ça sert à quoi de rajouter de l'huile sur le feu? Moi j'ai toujours peur des généralités, c'est-à-dire, on parlait des flics, c'est-à-dire que pour faire de l'humour, souvent il faut faire une généralité. Mmh. Mais c'est vrai qu'au cas par cas, Renault il n'a pas embrassé tous les flics, il en a embrassé au cas par cas, je veux dire, voilà. Donc, mais c'est un peu l'ennemi de l'humour dès qu'on n'est plus dans la généralité. C'est juste. Bernard Campan est avec nous et aussi Pablo Miro. D'ailleurs, on passe à l'édito. Charline, oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a trop d'immigrés en France, Charline. Ils sont 3,6 millions. 3,6 millions. Et quand on retire la virgule entre le 3 et le 6, ça fait 36 millions. Et là, tout de suite, ça fait beaucoup. Alors oui, au dernier trimestre 2015, la Suède a boosté sa croissance grâce à l'immigration. Et je vous entends déjà me dire, prenons exemple sur la Suède. Mais est-ce que vous voulez vraiment prendre exemple sur un pays qui a produit ça? Non. Ace of Base, évidemment, les heures les plus sombres de la dance music. Alors on va pas se voiler la face. Le problème avec l'immigration, c'est qu'une partie des immigrés fraude les impôts. Et moi je pose la question, est-ce qu'on peut tolérer qu'un étranger qui vit en France se comporte comme n'importe quel ministre du budget? En plus, ils ont tout gratuit, les étrangers. Les soins, l'éducation des enfants, la stigmatisation, tout gratuit. Je vais vous dire une chose, ces étrangers en situation régulière ne sont là que pour une seule chose, voler le chômage de nos chômeurs. Alors, bien sûr, voilà, il faut accueillir les réfugiés politiques qui fuient la guerre, comme ceux qui viennent de Syrie ou d'Irak. Mais il est hors de question qu'on accueille des migrants économiques comme vous, Charline, ou vous, Alex, qui venez en France parce que vous n'arrivez pas à vivre avec vos salaires de misère à la RTBF. Alors, évidemment, on comprend qu'ils veuillent venir ici. Je veux dire, les étrangers, on les traite comme des rois. C'est scandaleux, tous ceux que je croise, tenez-vous bien, ils bénéficient d'une protection rapprochée digne des plus grandes stars avec toujours au moins 10 policiers autour d'eux. Et il y a pire, Charline, il y a les migrants qui font des mariages blancs, tenez-vous bien, pour venir en France via le regroupement familial. Mais bon sang, le mariage, c'est un acte d'amour. Moi, quand j'ai épousé ma femme Irina, je savais qu'elle m'aimait, parce que c'était garanti dans le catalogue où je l'avais choisi. Alors, les migrants, j'ai pas le peur de le dire, Charline, ils sont incompatibles avec la culture française. Voilà, mais c'est quoi la culture française alors? C'est simple, Charline, attendez une minute. Guillaume. Toi qui es de gauche, t'aurais pas un dictionnaire, s'il te plaît? Alors, Pablo, on dirait qu'on ne sait pas de quoi vous parlez, là. Oui. C'est vrai, Charline. Ouais. Mais c'est normal, je suis éditorialiste. Ça veut dire que je sais que je ne sais pas de quoi je parle. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, Charline, c'est que l'immigration massive, c'est la mort. C'est la mort de la culture française. Pablo, je comprends très bien votre point de vue, mais je ne peux pas être d'accord avec vous, parce que... Excusez-moi, Charline, je viens d'être possédé par l'esprit de Finkielkraut, apparemment avec une petite pointe de Taddeï. Alors, pour conclure, voilà, je dirais que la seule solution, pour moi, c'est de renvoyer les étrangers chez eux en avion, et pour être sûr qu'ils ne reviennent jamais, on leur diffuse pendant le vol la filmographie complète de Daniel Thompson. Je pourrais encore parler des heures de l'immigration. Je pourrais parler des heures, mais pour ça, il faudrait par exemple, que je fasse des recherches, et ça, je veux pas, parce que j'ai peur de me rendre compte que j'ai tort. Alors je vais faire comme tout homme politique de droite qui se respecte. Je vais m'arrêter là. Allez, salut. Merci Pablo Mira, cofondateur du Gorafi, qui vient rééquilibrer le non-équilibre politique de cette émission. Heureusement, il y a aussi Bernard Campan qui est avec nous jusqu'à 18h. 2000 ans que j'attendais ça, rencontrer une fille comme toi, mon amour. Près des mines de salte, il ne nous fallut qu'une heure et trois jours. 2000 ans que j'attendais ça, qu'on me dise de tels mots d'amour. Tu mets la barre un peu plus haut, tu mets la barre toujours plus haut chaque jour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop louque et trop chic pour une fille comme toi. Hace 2000 años no lo creía, cantando con un francés acabaría. Mucho menos cumbia, rap y boom, boom, boom. Escribir canciones tomando cerveza y Coca-Cola con rum. Me dice que le encanta cantar conmigo. Todo es casi ridículo, de película te digo. Mi romántico cantante francés estaría escuchándote las 24 horas de los 31 días del mes. Me dice que soy la reina de Palermo, Queens. Yo le dije que no soy cantante, que soy actriz. Si me lo decían hace 2000 años no lo creía. Escuchando La Mona Jiménez con Benjamín Violet terminaría. Me encanta ser su reina de Palermo, Queens. Y pareciera que absolutamente todo es posible en París. Todo es posible en París. Palermo Queens, nous sommes sur France Inter en compagnie de Bernard Campan, que vous pouvez aller voir au théâtre dès ce soir. Ben là, j'imagine que c'est peut-être un peu court, donc allez-y demain éventuellement, ou jusqu'à samedi à 20h30, ou à 16h30 et le dimanche à 16h. C'est au théâtre des Nouveautés et ensuite il partira en tournée en région avec le Syndrome de l'Écossais et avec ses camarades Thierry Lhermitte, Christiane Mill et François, Florence Darrel. Pardon. Il n'a pas changé de sexe entre-temps, sinon je saurais. C'est une info. Bernard Campan à 7h06 sur France Inter, il est 17h37. C'est moi. Oui, c'est vous ? Bah, je sais pas. Oui, ouais, allez, si vous voulez. Allez, allons-y. Guillaume Meurice. Oui, je vais continuer dans le domaine de l'intime aujourd'hui. Parce que hier, je vous ai parlé de mon filleul. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma copine qui est malencontreusement tombée enceinte. Une sombre histoire de préservatif en laine. Oui, mon côté éco-responsable a parfois ses limites. Mais elle a décidé d'avorter. Hein, elle m'a dit, avec mon physique et tes idées, je vais enfanter Staline avec des couettes. C'est vrai. Il y a un risque, en tout cas c'est son choix, mais moi ça me pose quand même des questions. Alors j'ai tapé IVG sur Google, le premier site référencé c'est le site du ministère de la Santé, mais bon le gouvernement Valls, j'en ai déjà plein le cul, c'est pas pour leur parler de l'utérus de ma meuf. Puis à mon avis avec la loi sur le renseignement, hein, ils savent déjà ce qui se passe dedans. J'ai donc contacté le deuxième site du référencement Google, il s'appelle ivg.net, et je me suis dit tiens avec un nom comme ça, ils doivent avoir des infos complètement objectives sur l'interruption volontaire de grossesse. Alors allons-y, première question. Qu'est-ce que je peux faire, moi, si je veux avoir cet enfant, mais pas elle ? Ah bah non, de toute façon, vous pouvez rien faire. Vous, l'homme, actuellement, les hommes, vous êtes en France, c'est nul. Vous n'avez aucun droit, vous avez beau être le père, tout le monde se fout de vous. C'est ah oui, c'est vrai ? Ah oui ? C'est comme ça en France, en ce moment ? Bah oui, vous ne pouvez rien faire. Si elle a vote, vous ne pouvez rien dire, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas lui dire de... vous pouvez que souffrir, quoi, de vous dire, bah tant pis, elle a tué mon bébé, voilà. Ah, les salopes, les salopes. C'est vraiment pourri d'être un homme en ce moment en France. Alors d'accord, on est payé plus à compétence égale, on a tous les postes de décision, on peut agresser sexuellement des femmes et rester député, voire ministre de l'aménagement du territoire, hashtag Jean-Michel Baylet. Mais à quoi ça sert si on peut même pas décider de ce qui se passe dans leur corps? C'est vraiment des garces. En plus, elle m'a bien dit, la dame, après un IVG, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça se dégrade au niveau sexuel. Ah oui. Ne serait-ce que vous, si elle avorte, quand vous, dans l'acte sexuel, vous y repenserez obligatoirement. Ah oui. Toute la mémoire du corps, du vagin, etc. Le vagin, il n'est pas fait pour ça. Mmh. Et donc, ce qui fait qu'après, il y a un mal-être, il n'y a pas la même jouissance, il n'y a pas la même orgasme, il y a tout ça. Oh putain, en plus, elles veulent nous niquer nos orgasmes. Mais les mecs, oh, faut réagir là, oh, rebellons-nous un peu, décrétons dès à présent la grève des préliminaires, ok? Alex, je vous expliquerai ce que c'est, ah, ça ne pourra pas vous faire de mal. Bon, revenons à ma copine, quel est le diagnostic de la dame? Le problème, c'est qu'elle n'a pas de cœur, là, j'avais l'impression que c'est une femme très sèche, quoi. Elle a pas... Est-ce qu'elle aime les gens? Est-ce qu'elle aime rendre service? Est-ce qu'elle aime les... Elle descend la poubelle. Non, mais est-ce qu'elle aime les autres? Est-ce qu'elle se rend compte qu'en aimant les autres, elle est heureuse? Ou est-ce qu'elle ne vit que pour elle, avec vous? Elle pense qu'à elle, on sort le soir, on va en boîte, on va en vacances, on pense qu'à soi. Ah, mais attends, maintenant que vous me le dites, c'est vrai qu'une fois, elle est sortie dans un bar avec ses copines. Elle est même partie en vacances sans moi chez sa mère. Mais quelle connasse! Quelle sale égoïste! Je suis sûr que l'IVG, elle veut le faire pour son plaisir perso, en plus. Hein, c'est comme dit Le Pen, c'est l'IVG de confort. J'avais jamais compris l'expression. Moi, je me disais, c'est comme si elle parlait de l'excision de bien-être. Mais maintenant, je comprends. Pourtant, elle m'a dit, la dame. Bah, c'est pas drôle, l'IVG. Et puis après, on n'est pas bien. Sexuellement, on est mal. Et puis, bon, elle a une probabilité forte de pas rester avec vous. Il y a à peu près 80% des couples se séparent après une IVG. Parce que sexuellement, c'est plus du tout comme avant. Ah oui, c'est vrai, c'est à ce point-là. Ah bah oui. Ah bah c'est quand même très frappant, hein. c'est assez choquant. C'est assez choquant, vous rendez compte? Non seulement je serai pas papa du petit Dylan, mais en plus elle va me larguer comme un chien, putain j'en reviens pas. Bon, vous savez quoi, je m'en fous, moi j'ai que 35 ans, donc c'est jeune pour un mec, mais elle a 28 et la dame, elle m'a bien dit que... 28 ans, ça veut dire qu'elle va avoir 29 ans, ça veut dire que si elle avorte maintenant, bon, ça fera pas de bébé avant 31-32... Et qu'après, elle commencera par une fausse couche. Et après, c'est pas marrant, hein. Les fausses couches, quand on veut un bébé, c'est pas drôle. Ah ah, c'est pas hyper drôle, les fausses couches. Eh ouais. Il y a même certaines blagues de Bruno Gollnisch qui sont plus drôles qu'une fausse couche, c'est dire. Donc elle va moins rigoler, ma meuf, à faire sa maligne. Ah oui, je fais ce que je veux avec mon corps, gna gna gna gna gna, connasse. Non mais, qu'est-ce qui va se passer pour elle? Son corps, un beau jour, son corps va lui dire merde, quoi. Pardon, excusez-moi, mais c'est ça. Ouais. Et la même, après, elle va avoir des cauchemars, des angoisses, des titanies, elle se demandera pourquoi. Elle aura besoin de fumer un paquet de clopes par jour, elle a besoin de prendre un petit whisky le soir, elle se demandera pourquoi elle a mal-être, dès qu'elle verra des bébés, elle se mettra à être agressive, voilà. Voilà, l'agressivité, les clopes, le whisky. Est-ce que j'ai vraiment envie de sortir avec un mélange de Pitbull et John Moreau en fin de carrière? Non, je crois pas, non. Bon, alors pour conclure, tout ce que j'ai dit sur ma situation personnelle est évidemment faux, mais en revanche, j'ai rien inventé des propos de cette dame, hein, qui sont un tissu de conneries monumentales, vous l'avez entendu. Donc sachez que si vous appelez ce site, qui est censé être un site de conseils pour vous aider, vous tomberez sur elle ou une ou un de ses collègues. Alors n'oubliez jamais, avant de prendre une décision quant à votre grossesse, que si vous faites vraiment un enfant, il peut, en grandissant, devenir cette dame. Et ça, je crois que c'est le meilleur argument pro IVG. Merci Guillaume Meurice. La sidération. Voilà. Il est 17h42 sur France Inter. Et heureusement, Bernard Campan est avec nous. Il a bien voulu rester. Oui. Oui, même après l'intervention, c'est Claude Admos qui parlait, c'était... Non. Non, c'était pas elle. Je ne sais pas son nom, là. Enfin, c'était une fine psychologue, en fait. Ouais. C'est la diplômée, celle-là, en tout cas. Alors, le deuxième sujet. Les buralistes ont commencé à ranger les paquets neutres dans leurs rayons. Ils ne les rangent pas par couleur, hein, vu qu'ils sont tous vert-olive. Bien sûr, les buralistes vous diront que c'est couleur cacadois parce qu'ils sont furieux. Parce que c'est pas joli dans les rayons, puis ça met plus de temps à ranger parce que la marque, elle est écrite en tout petit. Voilà, donc le tabac, les autorités veulent en venir à bout, bien sûr. Répète. Non, je suis pas une tapette. Viens. C'est pour qui les cigarettes? C'est pour les tapettes. T'es une tapette? Non, je suis pas une tapette. J'ai pas entendu. Je suis pas une tapette. Viens. Et les clopes, c'est pour qui les clopes? Pour les salopes. Et toi, t'es une salope? Ah non, je suis une salope. Viens. Alors avant de partir, on n'oublie pas que... Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Un extrait du film Le Paris, bien sûr. Oui, oui. Vous y croyez, vous, à l'efficacité d'un paquet neutre, Bernard Campan? On en a parlé pendant des années, ça y est, maintenant, bim, ils sont dans les rayons. Ben, je sais pas trop, je comprends pas bien les tenants, les aboutissants. Alors donc, c'est des marques maintenant, c'est repris par la CEITA, ils mettent le... Alors, les paquets sont tous de la même couleur, voilà. On dit vert-olive. Alors, c'est pour dissuader, en fait. Voilà. Oui, avec des photos horribles. C'est pour ne pas faire de marketing autour des voilà. cigarettes. En... Oui, mais pas faire de marketing, c'est-à-dire dissuader les ventes. C'est ça. Oui, c'est oui, ça. L'objectif, c'est voilà. Alors, pourquoi ils se plaignent, les buralistes? Parce qu'ils vont vendre moins et c'est plus chaud oui, mais à manger dans qu'ils, les... Oui, ils le les savaient, puisque... Non, non, je voilà, fais l'avocat c'est... du diable, parce Oui, devait s'en douter. Non, moi, j'ai des enfants, 18 ans et 14 ans. Je sais que notre fille, elle n'aime pas... quand elle voit sa mère fumer. Et non, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu depuis des décennies quand même maintenant une mentalité qui a changé par rapport à ça. Et c'est pas plus mal. J'ai l'impression que certains enfants retiennent la leçon. Mais bon, est-ce que tout ça sert vraiment à quelque chose? Je sais pas. Moi, je suis indécis pour. Alors, il y a une expérience qui a été menée en Australie. Il y a une baisse de 5% des ventes depuis qu'il y a le paquet neutre. Bon, cela dit, donc les buralistes... C'est l'expression un paquet neutre quand même qui est compliqué. Ouais. Oui, c'est vrai parce que c'est qu'à comprendre. Parce qu'ils vont, en fait, ils bombardent les paquets de photos atroces de ce qui va vous arriver. Neutre ne me semble pas l'adjectif le plus approprié. Oui, c'est juste. Mais alors, si les buralistes expliquent qu'ils sont dégoûtés, en fait, eux-mêmes, d'avoir ces rayons comme ça, avec ces photos horribles, ces couleurs vert cacadois partout. Ils n'ont qu'à changer de métier. Mais... non, ça serait peut-être le mieux pour des raisons esthétiques. Ça devient pénible d'être buraliste, alors. En plus, c'est écrit tout petit, la marque, en dessous du paquet. Donc maintenant, quand ils déballent les cartons, ça devient très compliqué de les ranger pour pouvoir servir pauvres. Les clients. Ah, putain, les c'est dur, non? Je sais pas. Mais... Moi, j'ai envie de chialer. Hein. Je vous le dis, j'ai la mais est-ce que c'est pas... C'est horrible, en fait, d'être buraliste parce que vous vendez du poison, en réalité. Mais plus qu'un pharmacien Oh là là, ça y est, c'est la merde. Un débat. Mais il faut quand même mettre l'État au centre des choses. C'est-à-dire que c'est l'État qui fait le pompier pyromane quand même avec la clope et qui va donc foutre en l'air le métier de buraliste. Donc ce sera encore des chômeurs et donc ça va leur coûter encore. Non? Ah, est-ce qu'il faut encourager la création de cancer pour faire de l'emploi? C'est le débat. Justement pas. Mais je trouve que justement l'État se dédouane de beaucoup de choses quand il s'agit de cigarettes. Mais alors l'État fait quand même chier les marques de cigarettes puisque le paquet est devenu horrible et que la marque est toute petite. Mais oui, mais on sait que l'argent qu'ils récupèrent eux. Alors si vraiment ils trouvaient que c'était mauvais. Mais ils vont en récupérer de moins en moins puisqu'ils veulent dissuader les gens d'acheter des paquets. 5%. Pour se donner une image. C'est ubuesque. Oui, voilà. Nous-mêmes, on est un peu perdus. Les cancers coûtent plus cher pour l'instant que ce que permet de récupérer la vente des cigarettes à l'État. Ah, voilà du concret. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui fument autour de cette table? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Personne. Donc, en fait, on parle de trucs qu'on ne sait pas. C'est formidable. Un petit pétard de temps en temps. Mais en ce qui vous concerne. Mais ça, c'est thérapeutique. Non, c'est pas pareil. Juliette Arnaud. Oui, alors aujourd'hui, Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Hein, c'est vrai que c'est compliqué, hein. Et ben je l'ai dit parfaitement. Americana, c'est l'histoire d'Ifemelu. En fait, c'est l'histoire d'un double mouvement. Premier mouvement, partir. Ifemelu, c'est une jeune femme nigériane dans les années 90. Elle est brillante. Elle obtient une bourse pour une fac aux États-Unis, puis elle obtient un visa. Et loin de sa famille, de ses racines, elle part pour le pays de la liberté. J'ai nommé l'Amérique, America. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is all right in America. If you're all white in America. Alors bien sûr, il y a la divine musique de Leonard Bernstein, mais il y a des mots aussi. Je ne sais pas si vous avez écouté, ça fait... En gros, ça dit, la vie peut être radieuse en Amérique, si tu es capable de te battre en Amérique, la vie elle est super en Amérique. If you're all right in America, si tu es bien blanc en Amérique. Hein. Le mot récurrent donc c'est Amérique, le mot important c'est white, blanc. Mais Ifemelu, donc, elle arrive dans l'Amérique de la fin des années 90. Donc on se dit, ça va, hein, Bernstein, bon bah il est mort, le pauvre, paix à son âme, le pasteur King et Malcolm X aussi, mais bon, la lutte pour les droits civiques a forcément porté ses fruits, youpi, youpi. Sauf que c'est en arrivant aux États-Unis que pour la première fois, Ifemelu se sent noire. Elle a été élevée dans la langue anglaise, hein. Au Nigeria, l'anglais c'est la langue officielle, celle des études et de l'administration, et pourtant on ne comprend pas son accent, on lui demande de répéter tout le temps. On ne sait pas dire son nom, ses cheveux doivent être défrisés si elle veut paraître professionnelle, quoi que cela puisse vouloir dire d'ailleurs, et elle ne pige rien au départ aux ambivalences du pays de la statue de la liberté. Elle va alors s'employer à tout piger, à comprendre les nuances. Hein, par exemple, on ne dit pas « gros » aux États-Unis. Personne n'est gros dans un pays d'obèses. On dit qu'on est fort, qu'on est imposant. On ne dit pas « nigger », sauf si on est noir. Et encore, hein, ça dépend dans quelles circonstances. Et même, forte de ce qu'elle comprend, Ifemelu, elle invente un blog impertinent, drôle, incisif, qu'elle va appeler « Comprendre l'Amérique pour les Noirs non-américains », ce qui est son cas puisque c'est une Noire africaine. Par exemple, elle fait un de ses posts qui explique ce que ça signifie « hispanique ». C'est celui que j'ai choisi de vous lire parce que je voulais dire « coucou à Leonard Bernstein ».« Hispanique » signifie être fréquemment associé aux Noirs américains dans les statistiques de la pauvreté. « Hispanique » signifie être légèrement au-dessus des Noirs américains dans l'échelle des races américaines. « Hispanique » signifie une femme péruvienne à la peau couleur chocolat. « Hispanique » signifie population indigène du Mexique. « Hispanique » signifie habitant à l'apparence biraciale de la République dominicaine. Hispanique signifie habitant à la peau plus claire de Porto Rico. Hispanique signifie aussi les Argentins, blonds aux yeux bleus. Il suffit de parler espagnol, mais sans venir d'Espagne. Et voilà, vous faites partie de la race appelée hispanique. Et puis, Ifemelu grandit comme son blog. Alors, elle commence à se rebeller contre l'ordre établi. Et petit à petit, ça va se faire en plusieurs étapes. Déjà, elle va arrêter de se défriser les cheveux. Elle va se refaire coiffer en afro. Pendant ce temps, il y a l'élection d'Obama, qu'elle regarde avec beaucoup de passion, et elle a cette phrase que je trouve magnifique et dont je suis sûre qu'elle est vraie. Obama n'aurait jamais été élu si Michelle Obama avait été coiffée avec une afro. Elle refuse donc elle en a marre de son accent, de faire semblant de parler américain, donc elle reprend son accent nigérian. Elle va avoir plusieurs hommes, un blanc, un intellectuel noir américain, et puis un jour, le double mouvement. Et je la cite, elle le sentait depuis un certain temps, un sentiment de flou, de non-appartenance. Il était chargé d'attentes informulées, de désirs mal définis, de brèves visions des existences différentes qu'elle aurait pu vivre. Et au fil des mois, ce sentiment s'était transformé en un violent mal du pays. Et c'est le deuxième mouvement, donc Ifemelu revient. Elle est enfin l'Americana, cohérence du titre. Et là, je ne vous l'avais pas dit, mais Americana, c'est aussi une superbe histoire d'amour. Oh là là. Parce qu'elle retrouve son amour de jeunesse, Obinze le Nigérian. Ah bah oui, moi je suis sentimentale, c'est comme ça. Et donc l'histoire d'amour entre Ifemelu et Obinze reprend, sauf que maintenant ils sont adultes. Et puis alors c'est pas deux adolescents un peu crétins, hein. C'est pas Twilight, c'est pas Roméo et Juliette, c'est des adultes, des vrais gens, somme toute. Alors nous, le lecteur, on a le cœur qui bat, parce qu'en tant que lecteur, eh ben, on tient très fort à leur histoire, presque autant qu'eux, si c'est possible. Et là, où moi je rigole bien fort, c'est qu'il faut arriver à la toute fin des 600 pages pour savoir ce qu'il advient de leur amour. Sachant que le dernier mot du livre est « entre ». Pas mal pour finir, non ? Rappelez-nous les références, Juliette Arnaud, ça donne envie. Chimamanda Ngozi Adichie, ça c'est l'auteur, la Nigériane. Americana, c'est le titre et c'est chez Folio, donc ça coûte pas cher. Ouais, merci, merci Juliette Arnaud. Allez, avec Bernard Campan, on aborde le troisième sujet avant que vous filiez au théâtre des nouveautés. Regarder un film dramatique pourrait être un antidouleur naturel. C'est une étude de l'université d'Oxford qui le dit. Alors, ça rend triste ces films dramatiques, mais ça aide à créer des liens sociaux aussi, à libérer de l'endorphine qui est l'hormone du bien-être. Alors, faisons-nous du bien pendant 20 secondes avec un extrait bouleversifiant de dramaturgie tragique. Cette année, nous aurons des châtaignes. J'aime l'automne. Pas moi. Je préfère l'automne. C'est tout comme moi. C'est l'hiver que je préfère. J'ai fait un peu de thé. Ivan Ivazinevitch n'est pas encore rentré. Avec deux sucres, pour moi. Ou peut-être le printemps. Un nuage de lait? Peut-être. Non. Oui. Dommage que la mer soit si loin. Qui sait? Je ne sais pas. Pas non plus. Je ne sais plus. C'est con ce qu'on dit. De toute façon, il n'y a plus un spectateur dans la salle. Vous aurez reconnu aussi dans cet extrait du film Le Doutage. Le Doutage, c'est ça. Je cherchais, je ne me souvenais plus. Ça passe très bien à l'audio aussi, hein, même sans l'image. Ouais, ouais, c'est incroyable. Ouais. Le sens du rythme, un peu comme vous, quand vous faites l'impro, tac, tac, tac, une voix chacun. Ça va trop vite. Vous avez beaucoup regardé, vous savez. On a tout pompé. Alors, la fiction a des conséquences. La fiction, elle a des conséquences biologiques sur nous de regarder un film. Alors, le film comique libère des endorphines, on se sent bien, ça, on s'en doute, on le sent. Et le film tragique aussi, et c'est pour ça qu'on a envie d'aller voir des films tragiques. Intuitivement, est-ce que vous seriez arrivé à cette conclusion, Bernard Campan, que les films, la dramaturgie, finalement, ça fait du bien? Et vous vous sentez comment quand vous sortez d'un film, en tant que spectateur, qui peut être très triste? Bah, que la dramaturgie fasse du bien, oui, on sait depuis les Grecs. Hein, c'est vrai que ça, je retrouve plus. Mais la catharsis. La catharsis. Ouais. Voilà, tout à fait. Donc oui, je vois bien que moi que ça me fait du bien aussi de voir un film qui me touche, qui vous chamboule, ouais. dans toutes sortes d'émotions. Mm-hmm. C'est une nourriture. Et en tant qu'acteur, j'imagine que faire le comique libère aussi des endorphines. C'est comme un peu faire un jogging, rire. Ça libère l'hormone du plaisir, en fait. Mais jouer des choses plus sentimentales ou plus dramaturgiques, est-ce que vous avez un plaisir qui est différent, mais qui est aussi fort que de faire rire, faire pleurer? Oui, moi j'ai pas trop de, je fais pas trop de distinguo. Jouer, c'est quelque chose de très bizarre, d'ailleurs de très difficile à définir. Voilà, moi le premier, j'arriverai pas à le faire, mais que ce soit dramatique ou comique, il y a toujours un plaisir, il y a toujours. Bon, alors dans la comédie, il y a le rire aussi qui nous apporte beaucoup, ouais. Le rire des gens. Mmh. C'est vrai que dans le drame, on a une salle silencieuse, mais c'est palpable aussi, l'écoute, il y a une densité. L'attention. Et tout ça, ça fait partie, oui, des nourritures dont je parlais, oui, de recevoir les choses. Oui. Alors, mettons ça en pratique. Si ça vous tente. Et à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité. On lui donne un rôle qu'il n'a pas préparé, car demain, c'est le débat de la primaire à droite sur TF1. Ils veulent vraiment prendre l'intérêt des spectateurs et ils vont en faire un jeu que peut-être vous allez reconnaître, vu qu'il a des similitudes avec un jeu qui aurait pu faire un peu votre succès à une époque. Tous les candidats sont prêts. Attention, on s'y lance. Vous êtes présentateur. Moi, j'ai pas répété, alors. Bah, non. Non plus. Le public sait. Je découvre, moi, ici. Ah oui, c'est moi qui commence, excusez-moi, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ah, bienvenue dans Télémagouille, aujourd'hui 7 candidats sont en compétition. À droite, monsieur Sarkozy, vous revenez pour la troisième fois? Oui, mais j'ai changé. Oui, vous avez changé. Tout le monde est là, tout le monde est chaud. Je ne suis jamais vraiment chaud. Oui, on vous connaît, monsieur Juppé, on a aussi monsieur Copé. Non, moi c'est François Fillon, je suis choqué. Comme d'habitude, monsieur Copé. Bon, allez, on y va. Oui, monsieur Sarkozy. Je crois que je connais le secret de monsieur Juppé. Son secret, c'est qu'il est de gauche. Oui, mais c'est pas la bonne émission, monsieur Sarkozy. Ah, là, vous n'êtes pas dans le. Non. D'accord, mais je vais changer. Préparez-vous à la première question. Alain Juppé, vous avez 5 points. Pourquoi il est de l'avant? Je suis choqué, je suis choqué. Question, c'est. Je suis un. Oh, putain, c'est dur votre truc. C'est dur aux conneries. Je suis un officier général français. Albert de Monaco. Non, madame Kosciusko-Morizet. Je suis le chef de la résistance et président de la République. Je suis. Choqué! Non, monsieur Copé, je poursuis. Tout le monde revendique mon héritage. Ambiorix. Non, surnommé l'homme du 18 juin, je suis. Obélix. Non, vous avez répondu, monsieur Sarkozy. Oui, mais j'ai changé. Charles. Non, je suis désolé, monsieur Poisson, mais les intermittents du spectacle ne peuvent pas répondre aux questions. Non, vous connaissez, je suis candidat. Hein. Allez, on enchaîne. Je vous donne des noms de personnalités. Vous me dites s'ils sont noirs ou blanchis. On y va. Omar Bongo. Noir et noir, je connais bien Omar. Oui, très bien. Jacob Zuma. Blanchi. Oui, Jean-François Copé. Choqué. Oui, Mouammar Kadhafi. Blanchi. Non. Si, c'est moi qui l'ai achevé. Il était tout blanc. Ah, oui. Alors attention, il y a un piège. Harlem Désir. Les deux. Bravo, oui, on se reconcentre. Quelle est la dernière ville syrienne traversée par les réfugiés vers l'Europe? Béziers. Cité de révolutionnaires français, Robespierre et... Oui, monsieur Sarkozy. J'annoncerai ma réponse dans un livre. Mais dites-le maintenant, les grands révolutionnaires, Robespierre et... Nicolas Sarkozy. Bon, allez, j'en peux plus. Allez, générique, avec les primaires à droite, on s'en met... Plein les fouilles. Vous êtes pas trop rouillé quand même. Ah, voilà. Pas du tout. Oui, mais j'ai mis du temps à comprendre un petit peu. C'est revenu tout seul, Bernard Cantin. Comme son texte ce soir, car il file au théâtre des nouveautés. Uh-huh. Vous pouvez le voir dans le syndrome de l'Écossais d'Isabelle Lenouvel, avec Thierry Lhermitte, Christiane Mille et Florence Darel, tous les jours à 20h30, et puis aussi le week-end en matinée. Voilà. Jean-Louis Benoît pour la mise en scène. Quand même. Oui, on n'a pas cité Jean-Louis Benoît. Jean-Louis. Voilà. Merci beaucoup, Bernard Cantin. Merci à vous, à tout le monde. Merci. Vous verrez la suite de la pièce. On a reçu tout le monde, plus que deux. Le mot de la fin a une bien belle définition des forces de l'ordre par eux-mêmes. Bon, je vois surtout que le policier aujourd'hui doit être conscient de la tâche morale qui lui décombe. Qui lui décombe et surtout qui lui incombe. Une Yaris hybride T'as encore été augmenté ? Bah non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois ? Bah ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là ? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris Hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybride France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Sympa ton nouveau salon. Merci. Attends, laisse-moi deviner. Hein. Canapé, table basse, bibliothèque, meuble télé, lampe tapis. Allez, je dirais 687 euros. Ouais, comment tu sais ? Yes ! Bah voilà, j'ai gagné, j'emporte tout. Tiens, tu m'aides à prendre le canapé ? Non mais qu'est-ce que tu fais ? Repose ça ! Ah, si tout était comme chez Ikea. Pendant les journées qui changent tout, devinez le prix de l'une de nos 4 pièces mystères pour la gagner. Du 14 au 15 octobre dans votre magasin Ikea jusqu'au 16 octobre pour les magasins d'Île-de-France et Caen. Conditions sur Ikea.fr. Ikea. Dimanche 16 octobre, soir de première à la Maison de la Radio. Dites-moi que je suis belle. L'opéra comique Radio France et France Culture présente Monsieur Beaucaire, un opéra radiophonique. Une création sonore originale avec sur scène l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France. Chanteurs, comédiens et bruiteurs. Le 16 octobre à 16h à la Maison de la Radio. Venez savourer cet opéra romantique et son épineux triangle amoureux. Réservation maisondelaradio.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Le Festival Lumière 2016. Un festival de cinéma pour tous jusqu'au 16 octobre. Le prix Lumière 2016 sera décerné à Catherine Deneuve. Découvrez sur grand écran les classiques de l'histoire du cinéma. Près de 400 séances dans la métropole de Lyon. Présenté par de nombreuses personnalités. Retrouvez aussi la récréation en direct et en public à l'Institut Lumière ce vendredi à 16h sur France Inter. Il est 18h sur France Inter. Bonsoir Nicolas Demorand. Bonsoir Charline Vanhoenacker, bonsoir à tous. Bienvenue dans le 18-20 de France Inter. Le programme de ce mercredi soir, 18h15, l'Europe en enfer, 1914-1949, c'est le titre du livre que publie le grand historien du nazisme Yann Kershaw. Il est l'invité d'Un jour dans le monde. À 19h20, le téléphone sonne sur l'hôpital public. Les jeunes médecins ne veulent plus y travailler. La ministre de la Santé cherche à les y attirer. Pas facile. L'hôpital public est-il en crise ? Vos questions 01 45 24 7000, franceinter.fr, Twitter avec le mot-clé Telson. Tout de suite, le journal de Florence Paracuelos. Bonsoir.